Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette grande édition de la mi-journée de ce jeudi 2 juillet 2020 présentée par Raissa Liliane Inamahoro. D'abord les grands titres. Le gouvernement burundais a décidé une mise en place dans chaque province sanitaire d'une commission technique chargée de dépister toute personne suspectée au Covid-19. Évariste Ndayishimiye, président de la République, met en garde que quiconque ne sera pas dépisté alors qu'il est suspecté sera considéré comme ennemi du pays. Grogne de certains chauffeurs faisant le transport en commun, comme quoi ils observent la lenteur dans l'octroi du document de contrôle technique biométrique. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro demandent également la diminution du prix de ce document. Vous les entendrez dans ce journal. Et à Rumonge, c'est le lancement ce jeudi de la campagne de vaccination aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 14 ans. Cette campagne entre dans la semaine dédiée à la mère-enfant. Le médecin provincial de Lumonge demande aux responsables de différents secteurs de s'impliquer pour la réussite de cette activité. Voilà pour l'essentiel. Ce journal est mis en onde par Séraphine Hakizimana. Soyez les bienvenus. Isanganiro, la radio de l'avenir. Débutons ce journal par cette page santé. La mise en place dans chaque province d'une commission technique chargée de dépister chaque personne suspectée du Covid-19 est l'une des mesures prises par le gouvernement burundais pour faire face à cette pandémie. Déclaration du gouvernement, plutôt du président de la République du Burundi, lors de la prestation de serment des ministres entrants, c'était ce mardi. Évariste Ndayishimiye a ajouté qu'on va réduire le coût du savon jusqu'à 50% et de l'eau potable dans tous les chefs-lieux des provinces. Néanmoins, il signale que quiconque qui ne sera pas dépisté alors qu'il est suspecté ou accusé de la commercialisation du savon à l'étranger sera considéré comme l'ennemi du pays. Suivez le président de la République du Burundi, traduit par Obanenhuru. Je déclare que la pandémie de coronavirus est un ennemi redoutable à tout Burundais, étant donné que ce dernier en a peur. Par conséquent, je m'engage à y faire face. Alors, nous demandons à tout Burundais ou à tout étranger vivant au Burundi à prendre part dans cette lutte. Premièrement, que chacun prenne conscience des mesures relatives à la prévention, à la protection et à la non-propagation de cette pandémie. En ce qui concerne le gouvernement, pour que l'hygiène soit renforcée, le coût du savon sera réduit jusqu'à 50% en vue de faciliter la population à s'en procurer. Que les fabricants n'aient pas peur car le gouvernement paiera l'autre moitié. Néanmoins, celui qui sera arrêté pour avoir commercialisé le savon à l'étranger alors qu'il l'aura acheté à bas prix sera considéré comme celui qui veut favoriser la propagation de cette pandémie de coronavirus et aura une punition irrelative. Le gouvernement réduira aussi le coût de l'eau potable dans tous les chefs-lieux des provinces jusqu'à ce que la dite pandémie soit neutralisée. Dans cette optique, des agents du ministère de la Santé publique vont se répandre dans tous les endroits où cette maladie s'est déjà manifestée pour dépister toute personne sans distinction aucune afin d'isoler et prendre en charge les individus contaminés avant que leur santé ne soit détériorée. La pandémie de coronavirus est dépistée et soignée gratuitement. À cet effet, nous appelons quiconque qui présente les symptômes du Covid-19 à se rendre immédiatement chez le médecin. Nous le disons parce que nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont peur de se faire dépister alors que le dépistage et le traitement se font gratuitement. Celui ou celle qui refusera de se faire dépister sera considéré comme sorcier. Il aura favorisé la propagation. Dans chaque province du pays, on va mettre en place une équipe technique chargée du dépistage du coronavirus et nous allons faire une campagne de dépistage de cette maladie pour toute personne habitant les endroits à suspecter. Auparavant, le comité mixte de sécurité assurer la pérennisation de la sécurité, sachez bien que le coronavirus fait partie de nos ennemis, alors que ce comité s'implique aussi dans la lutte. Les agents de la santé, l'administration, les représentants des églises ainsi que les médias sont appelés à faire la sensibilisation. action pour que toutes ces mesures prises par le ministère de la Santé soient respectées. Et oui, c'était le président de la République, Evariste Ndayishimiye, traduit en français par Aubin Niyonkuru, et toujours en page santé. Plus de 250 000 personnes, comprenant les enfants d'un âge allant jusqu'à 14 ans et les femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre, vont avoir certaines de l'albendazole et d'autres de la vitamine A au cours de la prochaine semaine. Santé, mère-enfant, dans la province sanitaire de Lumonge, Jean-Claude Ndikuma Sabo, médecin provincial de Lumonge, demande aux responsables des différents secteurs de la vie de cette province de s'impliquer pour la réussite de cette campagne, insistant surtout sur les directeurs d'école où cette activité a commencé anticipativement ce jeudi. Les chiffres disponibles au bureau provincial de santé de Lumonge font état de plus de 230 000 enfants dans cette province sanitaire d'un âge compris entre 1 et 14 ans qui auront l'albendazole et plus de 93 000 enfants d'un âge compris entre 6 et 59 mois auront la vitamine A lors de la prochaine semaine santé mère enfant. Au courant de cette même période, plus de 18 000 femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre auront l'albendazole. Dans une rencontre de ce mardi à Lumonge avec les responsables dans les différents secteurs de la vie de cette province, Jean-Claude Ndikuma Sabo, médecin provincial de Lumonge, demande à tout un chacun de s'investir pour une réussite de cette activité. En effet, selon lui, il faut tout faire pour éradiquer à jamais la présence de certaines maladies comme la rougeole importée de la République démocratique du Congo, des maladies qui avaient pourtant des vaccins. Le médecin provincial de Lumonge dit que cette activité sera organisée anticipativement dans les écoles où les élèves commencent les grandes vacances à partir de ce jeudi 2 juillet courant et demande aux responsables scolaires de proclamer les résultats de fin d'année juste après cette activité. Pour les autres groupes cibles, il appartiendra aux agents de santé communautaire de les rencontrer chez eux, dit ce médecin provincial qui interpelle les concernés par cette activité de penser toujours à se prévenir contre le coronavirus. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Et oui, merci Jean-Pierre Misago pour tous ces détails. Poursuivons dans quelques instants, on poursuit ce journal par cette page sécurité. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et oui, en page sécurité, à 13h passées de 4 minutes dans les studios de la radio Isanganiro à Karusi. Il s'agit d'un corps sans vie qui a été retrouvé ce mercredi soir au quartier Nyamugali. Et c'est au chef-lieu de cette province. Le chef de ce quartier qui a acheminé ce corps en collaboration avec la police à l'hôpital du cinquantenaire dit que le corps est d'une fille d'une vingtaine d'années qui n'a pas été identifiée. Ils indiquent que ce corps aurait été amené à cet endroit d'habitation après le forfait et qu'elle aurait été égorgée. Ils demandent à la population qui suspecterait la disparition d'un membre de famille d'informer l'administration pour faciliter les enquêtes. Et toujours en page sécurité, 23 personnes accusées de banditisme qui volent de l'argent et d'autres objets dans les poches et sacs à main ont été arrêtées sur mercredi au stade Muremera de la province Ngozi où se déroulaient les cérémonies de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Certains des jeunes du comité mixte de sécurité qui ont mis la main sur ces voleurs disent avoir reconnu certains parmi eux à ce stade et ont dénoncé les autres d'où leur arrestation. Après avoir juré de ne plus voler dans de telles cérémonies et autres places rassemblant de foules de population, ces bandits ont été relâchés par ces jeunes. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Comme l'indique Régis Ndizeye, un des jeunes qui ont appréhendé systématiquement un à un ces bandits, tous reconnaissent cette accusation. Il y vole des téléphones, argent et autres biens, surtout dans les lieux publics fréquentés par des foules de population, notamment les marchés, les lieux des fêtes et autres. Certains ont été reconnus tôt et ont commencé à dénoncer d'autres qui étaient venus avec eux, d'où ils ont été arrêtés avant de commettre le forfait, dit son membre du comité mixte de sécurité, Régis Ndizeye. Indique que certains de ces bandits arrêtés mercredi figuraient parmi les 61 appréhendés jeudi passé dans une rafle effectuée la nuit dans la ville d'Ongoze. On cherchait, selon lui, un bandit qui avait volé une somme de 2 millions de francs bout chez un commerçant au marché central d'Ongoze. Parmi les 23 arrêtés, il y en a qui affirment reconnaître celui recherché et promettent de mettre la main sur lui et le remettre à qui d'autre avant leur relaxation. Ces bandits ont juré de ne plus commettre de tels cas de banditisme, surtout dans des lieux publics. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Je vous le disais en titre, certains transporteurs en commun de la capitale Bujumbura demandent à l'office de transport en commun Otraco de respecter le délai d'octroi du document de contrôle technique biométrique. Toutefois, ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro ce jeudi apprécient positivement la durée de ce document qui a passé de 3 mois à 6 mois et demandent aussi aux concernés de diminuer le prix de ce document. Suivez-les au micro baladeur de la radio Isanganiro. Avant, on payait 3 mois. Actuellement, l'échéance s'allonge sur 6 mois. La plus-value est qu'on va payer 2 fois l'année. Avant, on payait autour de 28 000 francs les 3 mois. Désormais, c'est 59 000 francs les 6 mois. Vous entendrez qu'il y a un léger mieux, bien que nous n'avons pas eu assez de temps pour se préparer. Quand tu as déjà payé et que le document reste à l'Otraco, en attendant, le fait que vous détenez les reçus de paiement, les policiers ne vous tracasse pas. Seulement, on est nombreux à solliciter ce service. Mieux serait qu'on augmente les guichets de paiement afin qu'on ne passe pas longtemps à faire la queue. L'avantage est qu'on cherchait ce document 4 fois par an. Mais maintenant, ce document dure 6 mois. Cela veut dire qu'on ira à l'Otraco 2 fois l'année. Auparavant, on payait 28 000 francs ou 28 600, c'est-à-dire qu'on y allait 4 fois par an. Bon, on dirait qu'on a un avantage parce que le fait qu'on a augmenté les mois pour circuler dans la ville, bon, je dirais que c'est un avantage pour nous les transporteurs pour le moment. Le prix, c'est un peu exorbitant. On a augmenté, auparavant c'était 28 100, maintenant c'est 57 000 et quelques. C'est difficile d'en avoir très facilement, quoi. Pour en avoir, il y a un récit pour faciliter la circulation routière. Mais il y a des policiers, quand ils te trouvent que le délai a expiré et qu'on n'a pas encore trouvé le document, on t'en paye une amende alors que ce n'est pas ta faute. Mais il faut qu'il corrige ça. Il y a un avantage, même si on a augmenté le prix. Nous payons 55 600 francs bondés pour 6 mois. Pour les 6 mois, c'est un avantage qui peut inciter les gens à aller chercher ce document. On demanderait que le service soit rapide pour que si on fait la demande, on rentre avec le document le même jour. Et voilà, pour clore ce journal, vous saurez que 70% des associations et coopératives ferment par manque des financements. C'est du moins la déclaration du directeur du Centre de recherche et de perfectionnement CERP en sigle qui l'a dit lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi. Tade Nzitunga explique que tout projet ne nécessite pas de financement, mais plutôt une bonne organisation. On l'écoute. Le projet n'est pas financé seulement par les moyens financiers. Il y a les moyens humains qui est le premier capital. Dieu t'a doté de l'intelligence. Il t'a donné des forces. Commence à faire quelque chose que tu vas utiliser avec ton intelligence et ta force. Les internautes, les blogueurs, ils ont quoi? Ils gagnent des milliers et des millions. Ils ont investi combien? Quand je dis zéro franc, c'est par rapport à ce que tu as. Si Dieu t'a donné l'intelligence, utilise l'intelligence. Dieu t'a donné des forces, utilise la force. Tu n'as pas besoin de l'argent. Et à la fin, tu vas savoir comment constituer le capital progressivement. Peut-être après 2 à 3 ans, tu vas trouver les 10 millions. Alors, si on pense que je vais commencer par 5 millions, 10 millions, tu vas mourir sans entreprendre parce que tu n'en auras pas. Alors qu'on peut commencer avec ce qu'on a. Tu as 200 francs, commence avec 200 francs. 0 francs, commence avec 0 francs. Après tout, parmi les 3 capitaux, tu as au moins l'intelligence et tu as les forces. Utilise ce que c'est ça le modèle. Ça, c'est un exemple de modèle. Il y en a beaucoup tant d'autres. Alors, nous voulons ramener ces associations à adopter ce modèle. et ne pas toujours tendre la main. Parce que si on ne trouve pas de financement, c'est fini, l'association ne fonctionne plus. C'est quand même aberrant de trouver 26% des associations qui fonctionnent dans le pays, d'autres sont dans les types d'affaires. Au fait, c'est dans ce cadre. Ainsi se referme ce journal. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler ce qui faisait la charpente de ce journal. Les grognes de certains chauffeurs faisant le transport en commun, comme quoi ils observent la lenteur dans l'octroi du document de contrôle technique biométrique. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro ont également demandé la diminution du prix de ce document. Et à Rumonge, vous avez entendu qu'il y a eu le lancement de cette campagne de vaccination aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 14 ans. Une campagne qui entre dans la semaine dédiée à la mère-enfant. Et vous avez aussi entendu que le gouvernement burundais a décidé une mise en place dans chaque province sanitaire d'une commission technique chargée de dépister toute personne suspectée au Covid-19. Merci de votre attention. Au micro, vous étiez avec Raissa Liliane Inamahoro. Merci à Séraphine Hakizimana pour sa parfaite collaboration technique. Très bon après-midi à tous. Au revoir.